nom de Jésus-Christ. Amen. Today's message will be the true testimony. Die heutige Predigt wird das wahrhaftige Zeugnis heißen. Et notre sujet d'aujourd'hui est le vrai témoignage. Amen. Amen. Our testimony is not about us. In unserem Zeugnis geht es nicht um uns, sondern um Christus Jesus. Et dans nos témoignages, il ne s'agit pas de nous-mêmes, mais il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. It's never about anything of us, but it's about everything of Christ. Es geht niemals um irgendetwas um uns, sondern es geht um alles, was Christus angeht. Il ne s'agit jamais de notre personne, mais il s'agit toujours de Jésus-Christ en tout. As I said, I will quickly go through this message. We will not go into details. Because we still have a lot of testimony to give. Wir werden nicht zu sehr in das Detail gehen dieser Predigt, weil es noch einige Zeugnisse zu hören gibt. On va pas rentrer vraiment en détail dans ce message aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de témoignages qu'on doit entendre aujourd'hui. Amen. Amen. Amen. Though the message is about, it's also about testimony. Auch wenn die Botschaft dennoch über Zeugnisse gilt. Même si dans le message il s'agit aussi de témoignages. What heaven called testimony. Was der Himmel Zeugnis nennt. Ce que le royaume des cieux appelle témoignage. That is what we should have. Das sollten wir haben als Kinder Gottes. C'est ça qu'on doit avoir en tant que enfant de Dieu. I might not have silver and gold. Ich habe vielleicht nicht Silber und Gold. Peut-être je n'ai pas d'argent et d'or. But I have what is greater than silver and gold. Aber ich habe etwas, was größer ist als Silber und Gold. Mais j'ai quelque chose qui est plus grand que l'or et l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Others were giving money. Andere haben Geld gegeben. D'autres ont donné de l'argent. You know, Peter and John, they could not even give money. Petrus und Johannes konnten noch nicht mal Geld geben. Mais Pierre et Jean, ils n'étaient pas capables à donner de l'argent, par exemple. We don't give what others give. Wir geben nicht das, was andere geben. Mais nous, on ne donne pas ce que les autres personnes, ce que le monde donne. Amen. Praise the Lord. Amen. What we have is the greatest. Was wir haben, ist das Größte. Ce qu'on a est le sommet, est le plus grand. Please value it. Bitte schätze das. On doit vraiment l'apprécier et le valoriser. Christ. Bitte schätze Christus Jesus. On doit valoriser Jésus-Christ. Value what you have. Schätze das, was du hast. On doit apprécier ce qu'on a en lui. Peter and John, they valued what they have. Petrus und Johannes haben das gewertschätzt, was sie hatten. Et Pierre et Jean, ils ont vraiment apprécié ce qu'ils avaient. And that's why they were able to use it. Und deswegen waren sie in der Lage, das zu nutzen. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient capables à l'utiliser. If you do not value what you have, you can never use it. Wenn du nicht das wertschätzt, was du hast, wirst du es niemals schätzen können und nutzen können. Parce que si tu valorises pas ce que tu as, tu vas jamais pouvoir donner ce que tu as. Tu vas même pas te rappeler que tu l'as. And don't ever underrate yourself, please. Und unterschätze dich niemals. Amen. Et tu dois jamais te sous-estimer. You are not just. Praise the Lord. You are not, you know. Don't be like Gideon. Sei nicht wie Gideon. Ne sois pas comme Gideon. Remember Judges 6. Erinnert euch an Richter 6. Rappelez-vous de Juge 6. Was always seeing what he could not do. Er hat immer auf das geschaut, was er eben nicht tun kann. Il était toujours concentré sur les choses qu'il n'était pas capable à faire. He was always seeing how powerless he was. Er hat immer darauf geschaut, wie kraftlos er ist, wie hilflos er ist. Il a toujours regardé sur sa situation, qu'il est impuissant, qu'il est. Ouais. Amen. Amen. He was always seeing himself as the last. Er hat sich selbst immer als den Letzten gesehen. Il a toujours vu sa personne comme la dernière personne. That nothing is even working. Dass nichts funktioniert. Que rien ne fonctionne. But the Lord called him a mighty man of valor. Aber der Herr nennt ihn einen mächtigen Mann. Mais l'Éternel l'appelle un homme puissant. Lest das bitte, Richter 6. Lasst zu, dass es eure Hausaufgabe ist. Ouais. Ça va être votre devoir, Juge 6. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Find the right place where the Lord wants you to be. Du bist am richtigen Ort, wo der Herr dich haben möchte. Amen. Tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit où l'Éternel veut t'avoir. That alone is a testimony. Allein das ist ein Zeugnis. Et déjà ça, ce fait est déjà un témoignage. Praise the Lord. Alléluia. That alone is enough for Christ Jesus. Das allein ist genug für Christus Jesus. Ça, ce fait est déjà assez. Pour, suffisant pour Jésus-Christ. He's so grateful to see that. Er ist so dankbar, das zu sehen. Il est vraiment reconnaissant quand il le voit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. I don't know if we are going to go to this Judges 6. Praise the Lord. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Since somebody have removed it from my Bible. I cannot even find it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let us just leave there because we have a lot. Maybe we might go there later. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please read it. Lisa Spito. Lisez-le, s'il vous plaît. Amen. Amen. And seed Gideon. Und schaut euch Gideon an. How he underrated himself. Wie sich unterschätzt hat. Amen. Ah, regardez, lisez ça à la maison et vous allez voir comment Gideon s'est vraiment sous-estimé. He underrated himself so much. Il s'est vraiment, sous-estimé. Amen. Amen. Please read it as a whole. I want you to read it because you see the mighty hand of Christ. Vous allez voir la mächtige Hand von Christus sehen. Lisez vraiment Justice complètement parce que là vous allez vraiment voir la main puissante de Dieu. If you look at Gideon, he did not even know how things were going to work. Wenn du dir Gideon anschaust, er wusste nicht mal, wie Dinge zustande kommen werden. Si tu regardes la situation de Gideon, il savait pas comment. Gédéon. Il savait pas comment les choses allaient se passer. Amen. Because that house will never bother you. Denn das Haus sollte dir niemals Gedanken machen. Mais le comment doit jamais te soucier. He brings that house. Er bringt das. C'est lui qui ramène le comment. C'est lui qui l'apporte. Amen. Amen. Because he himself is that house. Denn er selbst ist das wie. Amen. Parce que lui-même il est le comment. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know the four leprosy. You know the four lepers. You know how he delivered. You know the how. Let us beware of what we look for. Lass uns, wir sollten uns in Acht nehmen vor dem, was wir suchen. On doit vraiment faire attention à ce qu'on cherche. Amen. He says, seek me. Er sagt, sucht mich. Parce que l'Éternel nous dit, cherchez-moi. Never say, seek her. Er hat nicht gesagt, such nach mir. I'm going to give you victory. Wie ich euch den Sieg geben werde, sondern sucht nach mir. Parce que l'Éternel nous dit, on doit chercher sa personne et pas comment il va faire les choses pour nous. Amen. Il nous dit de le chercher. You know, when I was, you know, when we were believing the Lord for this house. Als wir den Herrn dieses Haus anvertraut haben. Quand on avait confiance en l'Éternel, quand on croyait à l'Éternel concernant cette maison. The more I speak in tongues. Umso mehr das Wie kam in meinem Kopf, umso mehr habe ich in fremden Zungen gebetet dafür. Et plus je me demandais comment ça va se passer, plus je me suis plongé dans la prière et surtout parler en langue. It's not speaking. I was not speaking in tongues to know the heart. Ich habe nicht in fremden Zungen gebetet, damit ich das Wie weiß. Et je priais pas en langue pour savoir comment ça va se passer. My tongue was always, you want the victory to come out more than we want it to come out. Meiner Zungensprache ging es darum, mich daran zu erinnern, dass diesen Sieg noch mehr manifestiert in meinem Leben sehen will als ich. Et quand je priais en langue, je me rappelais dans cette prière que l'Éternel veut encore plus que cette victoire qu'il a pour nous se manifeste dans nos vies que nous-mêmes. Because so many times we perceive we are the one that want it, but the Lord does not want it. Manchmal wirkt es so, als ob wir die Leute sind, die es wollen, aber der Herr will das gar nicht. Parce que de temps en temps, ça semble comme si c'est nous qui voulons avoir cette victoire et l'Éternel ne veut pas. It's like, you know, when we, you know, the love of the natural family. It's as if we love the natural family more than Jesus loved them. Die Liebe der natürlichen Familie. Manchmal scheint es so, als ob wir die natürliche Familie noch mehr lieben als der Herr. Même avec la famille charnel, par exemple. De temps en temps, on a l'impression que on aime la famille charnel plus que l'Éternel lui-même l'aime. Praise the Lord. Amen. Man never loved man. Der Mensch liebt den Menschen. They love themselves. Sie lieben sich selbst. Parce que l'homme n'aime jamais son prochain. Il aime toujours sa propre personne. Il s'agit toujours de lui-même. Only one person loves man. Nur eine Person liebt den Menschen, das ist Christus. For God so loved the world. Weil Gott so sehr die Welt geliebt hat. Seulement une personne aime l'homme, l'être humain. Et ça, c'est le Christ. Parce que Dieu a tellement aimé ce monde qu'il nous a envoyé son seul, son propre et seul fils. Praise the Lord. Amen. What have we called testimony? Was der Himmel Zeugnis nennt. Ce que l'Éternel appelle témoignage. Amen. Before we continue, let's go to Luke 17. Lukas 17. Luc 17. Giving testimony is very important. Zeugnis zu geben ist sehr wichtig. Luc 17. Donner son, faire son témoignage, donner son témoignage est vraiment très important. Luc 17, from verse 12 to 19. Lukas 17, 12 bis 19. Luc 17, de 12 à 19. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Verse 14. And when he saw them, he said unto them, go show yourself unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And see, does the prayer. You know, that's why I don't pray one way. Amen. Deswegen betest du nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise. Et c'est la raison pour laquelle ici que tu ne pries pas seulement d'une manière. Amen. Amen. You know, our Father who art in heaven, that's how somebody, some people just pray all the time. Es gibt Leute, die sagen immer wieder das Vater unser auf oder irgendwas etwas anderes und das ist deren Muster, nachdem sie beten. Et c'est la raison pour laquelle on ne prie pas seulement d'une manière. Il y a certaines gens qui vont seulement réciter le Dieu le Père qui est aux cieux, mais sans, ça n'a pas de sens pour eux. Donc on peut prier de plusieurs manières. On doit prier de plusieurs manières. You can see here, there's nothing like what man call prayer. Hier ist nichts wie das, was der Mensch Gebet nennt. Parce que dans ce passage, dans ces versets, on voit qu'il y a aucun il n'y a aucun mot qui nous dit de prier comme le monde prie, en général. What religion we call prayer? Was Religion Gebet nennen würde. Il n'y a pas un mot qui nous dit de prier comme la religion nous dit de prier. And then can you say pray for us before we go? You did not pray, you just say let us go and show ourselves to the priest. Is that the prayer? Und sie können sogar diskutieren und sagen, ey, du hast immer noch nicht für uns gebetet, du hast nur gesagt, wo wir hingehen sollen, aber das Gebet, wo ist das Gebet, wo bleibt es? Parce que Jésus les a directement envoyés à ces mondes, qui se montrent aux prêtres, mais il n'a pas prié. Et le monde, ou même les gens religieux peuvent dire, mais on va y aller, mais prie pour nous avant. Every word of Christ, they have power. Aber jedes Wort von Christus, Jesus ist kraftvoll. Mais chaque mot de l'Éternel est puissant. Go and show yourself to the priest. That was all. Geh und zeig dich dem Priester, das war alles. Allez vous montrer aux prêtres, c'était tout qu'il a dit. Wer ist dieser Mann? Qui est cet homme? Amen. Amen. That whatever come out, there's always power. Was immer rauskommt, immer Kraft. Kraftvoll. Other might say it will not work, but once he say it, it's final. Andere sagen es vielleicht und es passiert nichts, aber er sagt es und alles bewegt sich. Es ist vorbei. Parce que ces mots sont jamais sans puissance, ces mots sont tellement puissants. Il y a d'autres personnes qui peuvent même dire la même phrase, mais il n'y a rien qui va se passer. Mais quand lui, il dit, ça doit s'accomplir. It's like somebody just come here, it's mad, Farouk. Then I say, go and show yourself to your parents. Are you getting it? Mm. Go and show yourself. Ja, es ist so, als ob irgendeine verrückte Person hier reinkommt und wir sagen, anstatt dass wir anfangen zu beten, sage ich einfach, geh und zeig dich deine Eltern morgen früh um 8 und der geht dahin und ist auf einmal geheilt. C'est comme si quelqu'un d'insensé rentre ici dans cette église et moi, je dis à cette personne, ok, va te montrer à tes parents et en allant chez ses parents, il sera, cette personne sera guérie. Praise the Lord. Alléluia. Go and show yourself to one of the children of Christ here. Oder zeig dich einen der Kinder von Christus. Go there. Where is he? He's in Berlin. Just go there. Travel there and go and see him. Mm-hmm. Geh nach Berlin, geht einfach dahin und zeig dich der Person. Aha. Are you getting it? Ou alors, c'est comme si je dis à cette personne, vas-y, va te présenter à une à un enfant de Dieu, par exemple, à Berlin. And it came to pass as that as they went, they were cleansed. Verse 15. And one of them, which he saw, one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice, glorified God. Verse 16. And fell down on his face, at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. He was not even having covenant. Er hatte noch nicht mal ein Bündnis. Et cet homme qui est revenu était un Samaritain. Il avait même pas une alliance avec Dieu. Verse 17. Verset 17. And Jesus answered, said, we are there not 10 cleans, but where are the 9? Praise the Lord. Hallelujah. You know, as they were going, they were clean, and one turned back. They did not even get to the priest. Are you getting it? They turned back and said, oh, yeah, amen. But for the priest that cleansed them, it was the word. Als sie auf dem Weg waren zum Priester, wurden sie gereinigt, wurden sie heilen. Und einer von diesen 10 ist dann umgekehrt und wollte sich halt bedanken. Aber die anderen haben es nicht getan. Und es war nicht der Priester, der sie geheilt hat, weil bevor sie beim Priester angekommen sind, wurden sie ja schon heil gemacht. Et tous les 10 ont été sauvés, mais seulement une personne qui est revenue vers le Christ pour remercier Dieu et glorifier Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, where are the 9? Er hat gefragt, wo sind die 9, wo sind die anderen? Et Jésus-Christ a demandé où sont les 9 autres? Les autres 9. Verset 18. They are not found that return to give glory to God, save this stranger. A stranger among them. Amen. Amen. Let us, you know, don't allow the first to become the last. Lass nicht zu, dass and die ersten die letzten werden, die letzten die ersten durch dich. Ne permet pas que les premiers deviennent les derniers et stranger. Les derniers deviennent les premiers à travers toi. Parce que c'est seulement un étranger qui a été sauvé. C'est la seule personne qui est retournée vers Jésus-Christ. Just like the centurion man. So wie der römische Hauptmann, ein Fremder. Comme le soldat romain, un étranger. That said the word was enough. Just speak the word, that's all. I don't want you to go there. Because Jesus said, let's go there. Let's go and heal. Let's go there. He said, don't, you don't need to move. Just say it here. Du brauchst dich nicht zu bewegen. Sag es einfach jetzt und ich glaube schon. Und Jesus war erstaunt über diesen Glauben. Ouais, tout comme Jésus-Christ était étonné de la foi que le soldat romain avait. Parce qu'il a dit qu'il avait vraiment confiance, il a vraiment cru à la parole de Jésus-Christ, qui lui a dit, tu n'as pas besoin de venir avec moi, dis-moi seulement, parle seulement, et ainsi sera-t-il. When are we going to trust God? Wann werden wir Gott vertrauen? Quand on va commencer à faire confiance à Jésus-Christ? When are we going to trust the finished work? Wann werden wir auf das fertige, wann werden wir das fertige, dem fertigen Werk vertrauen? Quand est-ce qu'on va commencer à réellement faire confiance à l'œuvre accomplie? When are we going to depend on him? Wann werden wir uns auf ihn allein verlassen? And allow him to be the doer of everything. Und zulassen, dass er der Macher ist von allem und nicht du. Quand est-ce qu'on va être capable à réellement lui faire confiance et à le permettre d'être la personne qui agit et pas nous? Praise the Lord. Alléluia. Let me read it to verse 19 first. Amen. 19. And he said unto him, arise, go your way. Your faith has made thee whole. Praise the Lord. Hallelujah. But he did not say this to the others. Ja. Aber er hat das nicht zu den anderen 9 gesagt. But only to this very one. Nur zu diesem einen. Et Jésus-Christ Et Jésus dit au Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et il a seulement dit à cette personne et pas aux neuf autres qui étaient aussi malades. You can see that it's only one that came to give testimony. Nur einer ist zurückgekommen, um Zeugnis zu geben. Il y a seulement une personne qui est revenue pour témoigner. And the Lord loves it. Und der Herr liebt das. Et l'Éternel aime ce fait. He loved what that man did in verse 17. You can see it here. And Jesus answering, said, we are not ten cleans, but we are denied. It means he loves it. Er liebt das Zeugnis. Jesus erwartet es. Er hat es sogar sozusagen erhofft. Er hat gesagt, wo sind denn die anderen zehn? Es waren noch mehr als nur diese eine Person. On peut voir que Jésus-Christ aime nos témoignages. Il aime qu'on le remercie, qu'on montre qu'on est reconnaissant. Il attend même, parce qu'il était même étonné que seulement une personne est revenue et pas tous les dix. Give a testimony. We say thank you. Zeugnis zu geben heißt Danke zu sagen. Zeugnis zu faire son témoignage, donner son témoignage et remercier l'Éternel. He loves so much. Er liebt es so sehr. Il aime vraiment. Amen. Qu'on le fasse. Amen. In verse 18, he said it gives glory. You can see it. He said there are not found that return to give glory to God, save this stranger. To give glory, your testimony give glory to me. Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben. Dein Zeugnis gibt Gott Ehre. Amen. Verset 18. Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Donc, on peut voir que nos témoignages glorifient l'Éternel. Amen. Amen. And in verse 19, he was the only one that was given the complete victory. Und in Vers 19 war er der Einzige, dem der vollkommene Sieg übergeben wurde. Et dans le verset prochain, on peut voir que le Samaritain était la seule personne qui a reçu le cadeau complet, donc qui a été sauvé. Amen. Through the testimony. Durch das Zeugnis. À travers son témoignage. God the complete victory. Hat er den vollkommenen Sieg empfangen? Il a eu la victoire complète. Let us not underrate testimony. Lass uns Zeugnisse bitte nicht unterschätzen, das Kraft. Amen. On doit vraiment jamais sous-estimer les témoignages, parce Amen. Que dans les témoignages, il y a la puissance. I don't want us, let me just quickly say a little bit of it. In the old, you know, when the Lord will say, write them down, say it to your children. Don't allow it to depart from your heart, because he gives me glory. Yeah. I enjoy it. I enjoy your salvation. Say thank you always. Im alten Bündnis hat dem Herrn das so gefallen, gesagt, schreibt es auf, ne, schreibt es auf eure Stirn, ne, macht es überall hin, gibt es euren Kindeskindern weiter, weil es verherrlicht mich, es erfreut mich zu sehen, dass ihr euch daran erinnert und es weitergibt. Et même dans l'ancienne alliance, dans l'ancien Testament, on peut voir que Dieu avait vraiment plaisir à voir que les gens se donnaient leur témoignage. Il a même dit, écrivez-les, transmettez ça ou héritez même vos témoignages à vos petits-enfants parce que ça le glorifie. He loves to hear our testimony. Er liebt es, unser Zeugnis zu hören. Il adore entendre nos témoignages. He enjoys it so much. Er genießt es so sehr. Il apprécie vraiment. And it is also for our good. Und es ist auch zu unserem Guten. Parce que c'est aussi pour notre bien. Amen. This man was able to get to have all the complete victory. Dieser Mann war in der Lage. Said, look at it verse 19. And he said unto him, arise, go your way. Thy faith hath made thee whole. Er sagt und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Et on peut voir que c'est sur la foi de cet homme qui a sauvé cet homme, le Samaritain. Ouais. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You can see he did not say this verse 19 to the others. Ihr seht, er hat diesen Vers 19 nicht anderen Leuten gesagt. On peut voir vraiment que verset 19 était seulement adressé à cet homme, pas aux autres. It means our testimony bear fruit. Das heißt, unser Zeugnis gibt Frucht. Et ça veut dire que nos témoignages produisent des fruits. It bear fruit. Zeugt Frucht. Ça produit des fruits, nos témoignages produisent des fruits. Your testimony is never in vain. Dein Zeugnis ist niemals umsonst. It is the root, but it's going to have fruit. Es ist die Wurzel, aber es wird Frucht erzeugen. Et on peut voir que ton témoignage n'est jamais en vain, parce que ça peut être la racine, mais ça va produire des fruits. Praise the Lord. Hallelujah. Don't walk by sight. Deswegen wandle nicht per Sicht, sondern wandle per Glauben. C'est la raison pour laquelle on doit marcher selon la foi et pas selon nos sens. You walk by sight. You walk by sight when you need message to solve problems. Denn du wandelst per Sicht, wenn du immer wieder eine Predigt brauchst, um durch Probleme zu kommen. Parce que tu marches selon la chair, selon les sens. Si t'as toujours besoin d'un message pour résoudre tes problèmes. Praise the Lord. Alléluia. It means you see the problem. Das heißt, du siehst das Problem. Ça veut dire que tu vois le problème. You learn never to see any problem. Aber wir sollen lernen, niemals das Problem zu sehen, sondern Christus alleine. Mais on doit apprendre à jamais voir les problèmes, mais de voir seulement Jésus-Christ lui-même. Remember when God asked Adam, he said, who told you? Amen. The five senses is working. Als Gott who told you? Gefragt hat, wer hat How do you said? Know? That you are naked. Mm-hmm. Wer weißt du, dass du nackt bist? Sorry. Il a dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Donc on voit que c'est les cinq sens qui ont parlé à Adam. How do you know that you have that problem? Wer weißt du, dass du dieses Problem hast? Comment tu sais que tu as ce problème? Because I did not give you any problem. Denn ich habe dir kein Problem gegeben. Parce que je ne t'ai jamais donné un problème. I gave you myself. Ich habe dir mich selbst. Parce que je t'ai donné ma propre personne. Then where is it coming from? Where comes this? Are you getting it? D'où viennent alors ces problèmes? Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Stop seeing the problem. Hört auf, das Problem zu sehen. Arrête de voir le problème. Tu dois voir le Christ. Christus, amen. Amen. Looking for a message to solve problem. He said it is walking by sight. Wenn wir nach einer Predigt suchen, that's not for his children. Probleme zu bewältigen, dann wandeln wir per Sicht und nicht per Glauben. Parce que si on cherche des prédications, on cherche des messages pour résoudre nos problèmes, ça veut dire qu'on marche selon la vue et pas selon la foi. You know, when people have problem of money, they want a message of prosperity. Healing, they want message of healing. You know, because that is what they see. They never see crap, but they see whatever is there. And the Lord is asking, what are you? How come you cannot see me? Why should you see what I don't want you to see? When Leute beispielsweise gesundheitliche Probleme haben, if you don't see problem, you will not see the how. You will not look for how. I don't know if somebody's getting it. Wenn Leute gesundheitliche Probleme haben, suchen sie nach einer Predigt über Gesundheit. Wenn sie finanzielle Probleme haben, suchen sie nach einer Predigt für finanzielle Dinge. Aber sie wandeln dabei per Sicht und nicht per Glauben, weil sie sollten eigentlich nur Christus Jesus sehen, weil in Christus Jesus ist dieses Wie, hat sich dieses Wie schon erledigt. Aber weil man eben auf das Wie sich fokussiert, sucht man natürlich auch auf eigene Faust nach Lösungen in Predigten für die Probleme, die man meint zu haben. Aber der Herr sagt, wer hat dir gesagt, dass du dieses Problem hast? Donc, souvent les gens cherchent, quand ils ont des problèmes de finances, par exemple, ils vont chercher des prédications concernant la prospérité, par exemple, ou alors quand ils ont des problèmes de santé, ils vont chercher des prédications concernant la guérison. Mais si on cherche dans les prédications la solution à nos problèmes, ça veut dire qu'on cherche le comment, mais or qu'on doit seulement chercher Jésus-Christ, on doit seulement chercher Dieu, parce que en Dieu on a tout et on n'aura pas besoin de on va pas marcher selon la vue, mais selon l'esprit, parce qu'on doit seulement se concentrer sur Jésus-Christ, sur Dieu, parce qu'il va jamais nous donner les problèmes. Praise the Lord. Amen. Again, you walk by sight when you need message to solve problem. It means you see the problem and not Christ. Wenn du eine Predigt brauchst, um das Problem zu bewältigen, das heißt, du wandelst per Sicht und nicht per Glauben. Parce que ça veut dire, encore une fois, ça veut dire que tu marches selon tes cinq sens, selon la vue, si tu cherches les solutions à tes problèmes dans la prédication. Praise the Lord. Our testimony always bear fruit. Unser Zeugnis gibt immer Frucht. Nos témoignages produisent toujours des fruits. Don't underrate it. Unterschätzt es bitte nicht. Und das mal sous-estimé. Amen. Amen. The love value is so much. Der Herr schätzt es so sehr. L'Éternel l'apprécie vraiment, le reconnaît vraiment. Wir werden alle unser Zeugnis geben. On va tous donner nos témoignages. You need the message. Du brauchst die Botschaft. Tu as besoin du message. Because the message is Christ. Denn die Botschaft ist Christus. Parce que le message est le Christ. Und nicht um Probleme zu lösen. Pas pour résoudre des problèmes. Are you getting it? You need the message because the message is Christ, and not you need the message to solve problems. Du brauchst die Botschaft, weil die Botschaft Christus Jesus ist, nicht weil du die Botschaft brauchst, um Probleme zu lösen. Tu as besoin de la prédication, tu as besoin du message pour parce que le message est le Christ lui-même, pas pour résoudre des problèmes. Somebody getting it? The message is your relationship with Christ. It is his voice to you. Die Botschaft ist eine relationship I'm not looking for. Ist seine Stimme, ne? Es ist eine Beziehung, die mit ihm führst, deswegen hörst du dir das an und nicht etwas, was du aufsuchst, damit du deine Probleme gelöst werden. Et le message, la prédication est la voix de l'Éternel, c'est l'Éternel qui te parle parce que tu as une relation avec lui, mais cette relation n'est pas pour résoudre tes problèmes. Amen. It is our relationship with him. You know that, you know, true relationship, that's how everything works. It's like your natural father. If you have a natural father and your relationship is based on you want to get something from him, you need to hear his voice so that you can get something. Are you getting it? Genau, wenn du eine Beziehung hast zu deinem natürlichen Vater, musst du seine Stimme hören, um Beziehung mit ihm führen zu können. Si même dans le monde naturel, si tu, par exemple, tu as une relation avec ton père, tu dois, si tu veux avoir quelque chose de lui, tu dois aussi l'entendre. You know, with your natural father, let me use that so that you will get it better. With your natural father, he is not your father because he can give you something. Mit deinem natürlichen Vater, er ist nicht dein Vater, weil er because dir geben kann, for you. Weil er dir, weil er für dich sorgen kann. Parce que avec, si on continue avec l'exemple du père naturel, ton père naturel n'est pas ton père juste parce qu'il peut te donner quelque chose, juste parce qu'il peut prendre soin de toi. Amen. Everything is based on relationship with both of you. Alles basiert auf dieser Beziehung, die ihr beide habt miteinander. Parce que tout est fondé sur la relation que vous avez l'un envers l'autre. Amen. Imagine if it is only when you are in need of something, you go to him. How will he see it? Stellt euch mal vor, ihr würdet zu ihm gehen, wenn ihr was braucht. Wie wäre das für ihn? Imagine-toi maintenant que ta relation avec ton père, enfin tu as seulement une relation avec ton père quand tu as besoin de quelque chose. Amen. Il sera pas content. Through his message is how we have relationship with him. Durch seine Botschaft, also. So haben wir Beziehung mit ihm. Donc c'est à travers son message qu'on a une relation avec lui. Amen. It should not be solving problems. Sollte nicht darum gehen, Probleme zu lösen. Il s'agit pas de résoudre des problèmes. Should be knowing him. Sollte darum gehen, ihn zu kennen. Loving him. Ihn zu lieben. Il s'agit de d'aimer ton père. Il s'agit d'avoir une relation avec lui. Amen. Amen. What about if you don't have problem? Was, wenn du keine Probleme hättest? You don't need any message. Brauchst du dann keine Botschaft? You know, some people, you know, like Adam. Adam was created in a perfect world. So wie Adam. There was no headache. Yeah. No cosmic, no waste, cosmic. No pain, nothing. You know, it was so perfect. It means, you know, does it mean we not have, it should not have relationship with God? Amen. Adam zum Beispiel, er ist einer. But the Lord was always coming to him to speak with him. It's not because of to solve problem, but a relationship. Genau. Na, also wir haben ja keine Beziehung mit Jesus Christus, weil wir was ist, wenn du keine Probleme hättest? Ne? Hättest du dann keine Beziehung mit Jesus Christus? Weil zum Beispiel Adam, ne, er ist in eine perfekte Welt reingekommen. Und er hatte sozusagen keine Probleme, er hatte keine Rechnungen, er hatte keine Rückenschmerzen, er hatte keine Parkgebühren oder sonstiges. Dennoch hatte er Beziehung mit dem Herrn. Diese Beziehung war so wichtig wie der Sauerstoff zum Atmen, ne? Weil es einfach eine Liebesbeziehung war, auf die er angewiesen war. Okay. Si par exemple tu n'as pas de problème dans ta vie, ça veut dire que tu vas plus écouter la prédication, tu vas plus écouter les messages. Adam, par exemple, il a été né, il a été créé dans un monde parfait. Il n'avait pas de facture à payer, il n'était pas malade, mais quand même, il a toujours eu une relation avec Dieu. Amen. Amen. Again, what about if you do not have problem? It means you will not need Christ. You will not need the message because the message is Christ. Das heißt, wenn du keine Probleme hast, bräuchtest du Jesus Christus nicht. Also brauchst du die Predigt nicht, weil Christus Jesus ist doch die Predigt. Donc encore une fois, donc si tu n'as pas de problème, ça veut dire que tu n'as plus besoin de message. Donc tu n'as plus besoin Amen. de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est son message. We need Christ always. Wir brauchen Christus ständig. On a toujours besoin du Christ, amen. We need the message always. Wir brauchen die Botschaft ständig. Donc on a toujours besoin du message, de la prédication. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Religious world. In der religiösen Welt, dans le monde religieux, including Christianity, have their Christentum, testimony. Sie haben ihre eigenes Zeugnis. Donc dans le monde religieux, même dans le christianisme, ils ont leur propre témoignage. Their testimony is always of the flesh. Ja, aber ihr Zeugnis ist immer fleischlich. Mais leur témoignage est toujours charnel. We have our heavenly testimony. Wir haben unser himmlisches Zeugnis. Mais nous, on a un témoignage surnaturel, céleste. It is always of the spirit. C'est immer vom Geist. Il est toujours de l'esprit. Amen. You know, when I was a Christian, Als ich ein Christ years war, ago, quand j'étais encore dans le christianisme, Before I became a citizen of heaven. Bevor ich ein Bürger des Himmels war. Avant de devenir un citoyen du royaume des cieux. Amen. You know, I was given, we are talking, there was a lady, a Muslim lady, where it was like, I'm very sure it was this language school. Das war damals in der Sprachschule. There was a very a lady. She was so much of this Muslim was following it, cover everywhere, all the bodies. So she said, when I gave the testimony that the Lord do everything for us, He heal us, He do this. They said, yeah, Allah also do the same. She said, Allah also do the same for them. Give them money. Give them husband. Through Allah, they have everything also. You can see there's no difference. But what can Allah not do for them? Are you getting it? What can Muhammad not do for them? That should be our testimony. Und damals, als ich in dieser Sprachschule war, habe ich immer ab und zu mit ihr über Jesus geredet und ich habe ihr dann gesagt, ja, Jesus ist unser Versorger, er ist unsere Gesundheit, er ist alles für uns. Ne? Und hat sie gesagt, ja, Adam ist bei uns auch so, der ist auch für alles zuständig sozusagen. Aber die Frage ist, was unterscheidet Jesus Christus von Allah? Das sollte das sein, womit wir prahlen. Ich me rappelle quand j'étais pas encore citoyen du royaume des cieux, quand j'étais encore dans le christianisme, j'étais dans un cours de langue où j'avais donné un témoignage où j'avais dit à une femme qui une femme qui croyait en Mohammed, qui croyait à Allah, une musulmane, que Dieu fait tout pour moi, c'est Dieu qui me guérit, c'est Dieu qui m'a trouvé mon mari, c'est Dieu qui est ma santé, c'est Dieu qui est tout pour moi. Et cette dame a répondu, elle a dit, oui, chez nous c'est la même chose, Allah aussi me prend soin de moi, c'est lui qui me fournit tout. Mais aujourd'hui, je sais qu'il doit avoir une différence. Notre témoignage doit être ce que leur prophète, ce que leur Dieu peut pas faire pour eux. She said, Allah, you know, what they worship. Heal them, provide money for them, food, children, good job, husband, wife, even to for them to pass their exam, promotion. He says they have everything too. You can see all churches today give the same testimony. That's yeah. the same testimony. Und sie hat gesagt, ja, Allah macht halt all diese ganzen Sachen für uns, ne? Ob es Schulabschluss, ne, neuer Job, alles, ne? Der Allah hilft uns da auch bei. Und wir sehen, die Religion hat, die haben immer das gleiche Zeugnis. Deswegen bedanken sie sich dann auch immer für die gleichen Sachen. Et ouais, c'est on peut voir que tous les témoignages religieux, que ce soit dans l'église catholique ou alors même chez les musulmans, tout le monde se remercie pour les choses qu'ils ont reçues bah, de leur Dieu, que ce soit un mari, des bons résultats à l'école, qu'ils ont à manger. On peut voir que tous les témoignages se ressemblent. Praise the Lord. Alléluia. It is true that Satan can give them everything. That, you know, our religion, they give the same testimony. It's true. You know, Moses dropped the rod, he turned to snake. Pharaoh's people, they also dropped their rod. They also turned to snake. Are you getting it? You know, it give them, you know, what you call testimony, they also have it. And that is why, beware of that, what they call testimony. You see them, you do the, You find solution in their own way. Und das ist auch nichts Neues, ne? Weil ihr Gott ihnen das sozusagen auch gibt, diese Sachen. Ne? Genauso wie bei Mose, als er beim Pharao war und diese komischen Magi des Pharaos genau dieses gleiche Wunder gezeigt hat wie Mose. Moses Stab wurde zu einer Schlange und die Stäbe der Magi wurden auch zu einer Schlange. Magier. Achso, ich dachte, Magis Mehrzahl, okay. Wurde auch zu einer Schlange. Ne? Und wenn wir halt so drauf sind, dass es uns einfach nur darum geht, dass Stöcke zu Schlangen werden, ne? Dass wir hinter Wundern her sind, dann werden wir auch die gleichen Mittel und Wege und Dinge tun, um diese Sachen zu erreichen. Hey, encore une fois, c'est vrai que le diable peut leur donner aussi tout ce qu'ils ont besoin, donc que ce soit un mari, qui prennent soin d'eux, une bonne santé ou quoi que ce soit. On peut aussi voir dans l'exemple de Moïse, par exemple, quand il a transformé son... Quand il était devant, face au Pharaon et ses magiciens, quand il a transformé son bâton, son bâton est devenu un serpent, les magiciens du Pharaon ont fait la même chose. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we are always after helping others. Wir sind immer hinter anderen Leuten helfen her. On essaie toujours d'aider les gens. Give the testimony so that it will help others. Gib das Zeugnis, damit es anderen hilft. Donc donnez vos témoignages afin que ça peut aider les autres. Amen. Let the testimony be Christ. Lass du, dass das Zeugnis Christus Jesus ist. Donc on doit permettre que notre témoignage est le Christ lui. Allow the testimony to be what heaven call testimony. Lass du, dass das Zeugnis das ist, was der Himmel Zeugnis nennt. Donc on doit vraiment permettre que le témoignage, nos témoignages sont les témoignages qui sont acceptés aussi au royaume des cieux. Amen. Ceux que le royaume des cieux appelle témoignages sont aussi nos témoignages. I was not able to go to the toilet, now I can go to the toilet. I was not able to eat, now I can eat. That's what they call testimony. Was die Zeugnisse ist, dass ich keine Ahnung, früher nicht auf Toilette gehen konnte, aber jetzt kann ich es. Oder früher konnte ich nicht sehen, aber jetzt kann ich es. Das nennen sie Zeugnis. Pour un témoignage, j'ai par exemple, j'étais pas capable à manger, mais maintenant je peux manger. J'avais pas de diplôme, mais maintenant j'ai un diplôme. Ça, c'est le témoignage du monde. I was having pain before, and I'm no longer pain. Ich hatte vorher Schmerzen, jetzt habe ich keine mehr. J'avais des douleurs avant, mais maintenant j'ai plus de douleurs. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, somebody was in prison. He was having a problem. Jesus did not solve it through the flesh. Jemand war im Gefängnis und Jesus hat es nicht fleischlich gelöst. Johannes der Täufer. Jean-Baptiste, par exemple, il était en prison et Jésus-Christ n'a pas résolu son problème d'une manière charnelle. Il lui a donné la vérité, il lui a donné sa parole. Remember, I hope you still remember the story. Amen. J'espère que vous vous rappelez de cette histoire. Jesus referred him to the scripture. Jesus hat ihn auf die Schrift verwiesen. Jésus-Christ l'a directement référé vers la parole, vers l'écriture. Amen. You know, it was when the disciple left, John the disciple, when they left, that Jesus was not talking about this testimony that's supposed to be testimony, that what Jews were called testimony. Erst als die Jünger von Johannes weggegangen sind, fing an, Jesus dann über das zu sprechen, was die Welt als Zeugnis erachten würde. C'est seulement quand les disciples de Jean-Baptiste ont quitté, c'est là que Jésus-Christ a commencé à expliquer, ou alors expliquer, testimony from the world. Was die Welt als Zeugnis ansehen würde. Ah, okay. C'est seulement à ce moment que Jésus-Christ a commencé à leur donner un exemple de témoignage de ce monde, ou alors ce que ses disciples auraient peut-être aimé entendre. Amen. Amen. You can see it from verse 7 of Matthew 11, because of time, they don't want us to go there. He said, and as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye out? You can see what man we call, what religion we call testimony. Seht, was Religion that we could have helped John. Was doch Johannes doch mehr ermuntern würde. Mm-hmm. Aber Jesus hat sich geweigert, ihm das zu geben. Mm-hmm. Et, si vous avez la possibilité, lisez-le encore, parce que là, on pourra vraiment réellement voir que Jésus-Christ a refusé à conforter Jean-Baptiste dans la chair, où le monde va dire, ouais, ça c'est le vrai témoignage, ça c'est la manière comment tu peux aider cette personne. Non, il lui a donné la vérité, il lui a donné la vérité, amen. You know, if you know, religion is always about problem solving. Religion geht immer darum, das Problem zu lösen. Let's solve it. There's a problem. Your problem to be solved. Dans la religion, il s'agit toujours de. Christ, big time. Il s'agit toujours de résoudre les problèmes. Mais si tu cherches toujours à résoudre seulement des problèmes, tu vas rater le Christ. The kingdom of heaven is never about problem solving because all problems have been solved. Im Königreich des Himmels geht es nie darum, dass Probleme gelöst werden, denn alle Probleme sind schon gelöst. Parce que dans le royaume des cieux, il s'agit jamais de résoudre des problèmes parce que tous nos problèmes ont été résolus. Fighting to solve them will never solve them. Darum zu kämpfen, sie zu lösen, wird sie nicht lösen, wenn du im Königreich des Himmels bist. Si tu es dans le royaume des cieux, de se battre pour résoudre ses problèmes va jamais résoudre ses problèmes. He said, fight the good fight of faith. The fight of faith to believe they have already been solved. And now they are going to be solved. You are telling them, we give testimony so that their problem is going to be solved. I don't know if somebody is getting it. Wir geben Zeugnis, die Leute geben Zeugnis, da, weil, nee, wir geben Zeugnis, weil das Problem schon gelöst ist, aber die Leute geben Zeugnis, damit sich das Problem löst. Mm. Donc, un enfant de Dieu doit donner son témoignage parce que tous ses problèmes ont déjà été résolus, pas pour résoudre ses problèmes. C'est pour ça on le seul combat qu'on a, c'est de combattre le bon combat de la foi. Heavenly testimony is so different. Ein himmlisches Zeugnis, das himmlische Zeugnis ist anders. I love it so much. Das liebe ich. Le témoignage céleste est vraiment est pas comparable à témoignage de ce monde. C'est pour ça que je l'aime vraiment. Amen. I want to see how you fight that faith, that good fight of faith to believe Christ. That's all I want to see. Ich möchte sehen, wie ihr den guten Kampf des Glaubens führt. I'm not after the result. I'm after how you fight. To believe Christ and depend on Him, even if the result is even bad. Denn ich bin nicht hinter dem Resultat her, was ihr am Ende haben werdet, sondern euer Weg dahin, wie ihr euch im Glauben bewältigt bis dahin. Parce que pour moi, le résultat n'est pas important, mais ce qui est important, c'est de voir que vous êtes vraiment ferme en Jésus-Christ, que vous combattez le combat de la foi, même si le résultat n'est pas bon pour le monde. You know, John the Baptist fought the good fight of faith. Stephen fought the good fight of faith. Though the result, you know the result. They were killed. One was beheaded. One was stoned to death. Mm. It doesn't matter what the end. It's not the end. It's how you get. Let it be from him. Stephanus wurde gesteinigt. Johannes wurde geköpft. Aber das Wie, der Weg dorthin, das war einfach im Glauben. Ne? Und deswegen, es geht nicht um das Endresultat, es geht um den Weg dahin. Verlasse dich auf ihn. Il s'agit vraiment qu'on doit dépendre de Jésus-Christ. On doit dépendre de Dieu. Jean-Baptiste, par exemple, il a combattu le bon combat de la foi, mais il a été décapitulé. On peut voir que Étienne a été lapidé, mais il ne s'agit pas du résultat à la fin, le résultat ici dans ce monde, mais de ta foi en Jésus-Christ, comment tu as vécu ta vie en lui. Stop fighting to believe. Ou alors comment tu vis en lui plutôt, stop, parce que tu. Stop fighting to have. Fight to believe you already have. Hört auf, darum zu kämpfen, Dinge zu bekommen, stop zu haben. Kämpft darum zu glauben, dass ihr alles schon habt. Donc on doit vraiment arrêter de se battre pour avoir des choses. On doit plutôt se battre pour croire qu'on a déjà tout eu à travers Jésus-Christ. Heavenly testimony is so different. Das himmlische Zeugnis ist so anders. Le témoignage du royaume des cieux, un témoignage céleste est tellement différent. Amen. In Hebrew 11, verse 5. Let's go to Hebrew 11. Dans Hébreux 11, verset 5. Praise the Lord. Hébreux 11, verset 5. Amen. The natural testimony. I mean, you know, this religious testimony is for babies. Das religiöse Zeugnis ist für Babys. Un témoignage religieux et un témoignage pour enfants, pour bébés. It's a baby. C'est comme si tu donnes la nourriture pour enfants. Because until they see, they never believe. Until they hear, you understand me. Until they hear, they never believe. You know, Jesus rated John the Baptist so high. And that's why he did not give him that baby milk. Jesus hat Johannes den Täufer sehr hoch eingeschätzt. Und deswegen hat er ihm nicht Babynahrung gegeben, sondern feste Speise. On peut voir que les témoignages de ce monde, les témoignages religieux sont de la nourriture pour enfants. Mais pour Jésus-Christ savait que Jean-Baptiste était mature. Il n'avait plus besoin de nourriture pour bébé, mais il a donné la vraie nourriture pour adultes, pour les gens qui sont matures. C'est pour ça qu'il a référé seulement à la parole. Praise the Lord. Amen. In verse 5 of Hebrew 11, it said, by faith Enoch was translated, that he should not see it, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. What man, what religion will never call testimony? Was der Mensch, was Religion niemals Zeugnis nennen würde. Ce que le monde, ce que la religion va jamais appeler un témoignage. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. You know what that religious, you know, that lady I said, you know, we were in the school together. What she will never see or call testimony. Das, was diese religiöse Frau niemals Zeugnis nennen würde, das sollte unser Zeugnis sein. Mm. Encore une fois, ce que cette femme avec qui j'étais au cours de langue va jamais appeler un témoignage, ça doit être notre témoignage. Amen. Amen. Even in the old, Enoch, please God. Selbst im Alten, Enoch hat Gott was enough testimony. Und das war genug Zeugnis. Mm. Et même dans l'Ancien Testament, on peut voir que Enoch a plu à Dieu. Et ça, c'était suffisant comme témoignage. He believed he pleased God. Er hat geglaubt, dass er Gott gefällt. He believed he pleased God. Er hat geglaubt, dass er Gott gefällt. Il a réellement cru qu'il plaît à Dieu. Et ça, c'était assez, c'était suffisant. Praise the Lord. Alléluia. You know, without this message, you know, no, I know you are. Most of you are matured. You are almost everybody here. We are matured. You know, if I say how many of you please God, a lot will not even raise up their hand, because they will see themselves. They will see the flesh, and not the spirit. Und wir sind hier alle in dieser Gemeinde reif, ne, in Christus Jesus. Aber viele Leute, wenn ich fragen würde, wer von euch gefällt Gott, würden sich einige nicht wagen, die Hände zu heben, weil sie auf das schauen, was sie tun oder nicht tun. Et je sais qu'on est tous matures ici, tous les gens qui sont présents ici, mais quand même, si je pose la question, qui d'entre vous plaît réellement au Christ, il y aura l'un ou l'autre qui sera un peu, qui va douter peut-être, qui sera pas sûr, parce qu'il va seulement voir sa propre personne, ses actes, ses propres actes, or que Dieu ne voit plus notre personne mais voit le sang de Jésus-Christ. Enoch, please God, that was his testimony. That was all. And that alone, God was so pleased. You have been. Enoch did not see that. Und das war allein, hat den Herrn so gefallen, dass Enoch den Tod nicht gesehen hat. Enoch a vraiment cru qu'il plaisait à Dieu, et c'est ça qu'il a témoigné. Et ça, et ce témoignage a tellement plu à Dieu qu'il a jamais vu la mort. Amen. Amen. You know, the Lord just took it. Le Herr hat ihn einfach genommen. L'Éternel l'a pris. Il a pris et il a ramené vers lui. That place is not good for you. Don't come to me. Don't be with me. Cet endroit n'est pas bon pour toi. C'est pour ça, viens vers moi, reste avec moi. He always wants us to be confident. To have faith, you know, to be, to just believe and not, don't allow any little doubt to be injected into it at all. He loves it when you believe completely that nothing can talk you out. Amen. Wir sollen Vertrauen. Vertrauen. Selbstbewusstsein. Okay. Wir sollen selbstbewusst sein, wenn es um das geht, was der Herr über uns sagt. Ne? Wir sollen stolz. Zuversichtlich sein. Oder zuversichtlich sein, ne? Wenn es um das geht, was der Herr über uns sagt. Wir sollen stolz darauf sein, was er sagt. Wirklich glauben, dass wir heilig, gerecht, vollkommen sind. Und darüber freut er sich, wenn das in unserem Zeugnis sichtbar ist. On doit vraiment avoir confiance en notre salut. On doit vraiment confiance avoir une assurance quand il s'agit d'être un enfant de Dieu. Et c'est ça qui plaît à Jésus-Christ. On ne doit pas douter, même pas un peu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He was, you know, he understood. He understood God so much. Verstanden. On peut voir que Enoch a vraiment compris. Look at us today. Upon all the evidence that Jesus came here to die. We cannot even say trust him. Nach allem, was Jesus Christus für uns getan hat, können wir immer noch nicht vertrauen und glauben. Et nous aujourd'hui, malgré que le Christ est venu et descendu sur terre pour tout accomplir pour nous, on n'est toujours pas capable à le faire 100% confiance. It's like testing something, you know, something is too hard. It's anything bigger. It's anything, you know, your salvation, it's impossible to have it. Mm-hmm. If you are to work to get it, you can never, that no, no job, you know, what in your school work, you can read and pass your exam. But you know, to have your salvation, to have what you have, nothing you can give it to you. Das, was wir haben, no matter how big your brain is, if even your brain is all of, it's just as big as this whole world. Das, was wir nämlich schon haben, Christus, nämlich diese Errettung, das kann uns niemand kaufen, das können wir auch nicht verdienen, das können wir uns nirgendwo holen. Und das haben wir schon. Und egal, wie groß dein Hirn ist, egal, wie groß dein Portemonnaie ist, du kannst dir das nicht erkaufen oder dir erwerben. Aber wir haben das schon und das ist doch Zeugnis genug. Sorry. Donc, on va jamais être capable à mériter notre salut. Parce que même si tu es la personne la plus intelligente sur Terre, tu es la personne la plus généreuse sur Terre, c'est jamais quelque chose que tu peux obtenir à travers tes propres actes. C'est un cadeau qu'on a reçu de l'Éternel. Amen. Amen. You know, Satan give their children, they go to church and say, thank you, Jesus, I have now a baby. Are you getting it? Satan it's better you don't have anything. Und sie bedanken sich dann in der Gemeinde dafür, dass sie Kinder bekommen haben. Aber vertraue auf den Herrn alleine. On doit vraiment faire seulement confiance à l'Éternel. Il y a des gens qui vont avoir des bébés, ils vont témoigner que ouais, je remercie l'Éternel pour mon enfant. Tu peux voir que. So pass your exam, you don't know this Christ. Um deine Prüfung zu bestehen, dafür brauchst du Christus nicht. Okay. Ou alors pour réussir dans tes examens, tu n'as pas besoin du Christ. Because what he has for you is bigger than that exam. It's bigger than passing exam. Was er für dich hat, ist größer als diese Prüfung zu bestehen. Parce que ce que l'Éternel a pour toi est plus grand que de ouais, est plus grand, n'est pas comparable à seulement passer ton examen ou être diplômé. We always want to bring him to our level. He said, come to my level. Wir wollen ihn immer auf unser Level bringen, aber er sagt, komm zu meinem Level. On essaie toujours de rabaisser l'Éternel à notre niveau, mais c'est nous qu'on doit arriver à son niveau. Praise the Lord. Hallelujah. In Luke 10, we already know this Luke 10, but let's go still go there. Luke 10. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Luke 10. Lucas 10. On verse 17 to 20. Verset 17 à 20. The 17 return again with joy. Again, it means they have gone once. Amen. Ensuite, les 72 disciples reviennent. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà partis une fois. You see that? Say, Lord, even the devils are subject unto us too, through your name. You know, churches today, they will give this, you know, they will just clap and Gemeinde shout. Würde Zeugnis über sowas geben, über sowas freuen und schreien und jubeln. Ils ont plein de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Et ce témoignage, si tu le donnes, si tu le fais dans une église religieuse, tout le monde va applaudir pour toi. Believe Christ. Glaube an Christus. Croyez en Jésus-Christ. Believe his finished work. Glaube an sein fertiges Werk. Crois à son œuvre accomplie. That's how Satan is defeated. Und so ist der Satan besiegt. Et c'est comme ça que le diable est vaincu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you.